Ah, qui sert? MDB, hey. 91 Western. J'foque la censure car mon bic est insolent. J'ai une dent contre l'état, j'ai pas un sourire étincelant. Étincelant car genre de la pénombre. On m'appelle tellement qui sert que j'ai oublié mon prénom. J'combats le mal par le mal, même si j'parle mal. J'suis jamais allé à l'école, j'ai boycotté Charlemagne. J'ai trop la haine, j'arrive pas à parler. J'ai envie de tout lâcher, prendre ma retraite comme Jospin. La poisse, j'ai prémédité, j'suis mauvais d'après-médire. J'ai un gramme dans le sang à 1h de l'après-midi. J'taffe que quand j'dois faire mes tiges, les tiges dans ce bis. Car j'rentre pas dans leur formatage. J'dois faire mon cash, j'me cache et j'travaille fort ma tâche. Mes gourmettes c'est des menottes, donc j'm'en fous que les ports m'attachent. Les balles sont en place dans mon chargeur. J'monte la côte vu que j'ai pas la côte de Richard. Rien n'a changé, la chance, l'argent est toujours absent. La galère, poteau, a paralysé mes 5 sens. J'suis catalogué. Car j'ai pas le bon accent. J'en place une pour les adolescents délaissés dans ce pays. J'veux m'infiltrer par trop de souris. J'veux ma paye, donc j't'escroque avec le sourire. J'suis jamais à jeun, j'chute ces jeunes, fonce des natures. On nous laisse en chien, donc rien à foutre, maintenant j'veux de la thune. Trop de serpents à sonnette, très peu de gens honnêtes. La chance j'attends son aide, j'pousse pas la chansonnette. C'est contre compte des matrices, j'suis dans ma matrice, dans ma street. Ça va péter comme à Madrid. Pour demain j'espère devenir moins con qu'hier. Baiser ma banquière, voire moins de déconque qu'hier. J'suis pas le plus à plaindre, c'est clair. Avec une barre, j'regarde sur ma face, j'ai plein de séquelles. Putain de siècle, y'a rien à graille dans l'assiette. Ça scanne pour du pain sec, faut me prendre avec des pincettes. Chope pas la pastèque, ça roule même si j'ai pas de skate. J'ai laissé ma pizza dans les backstage. C'est pas la faute, t'as pas de chance si j'ai pas de gens. Tu nous prends pour des sauvages, tu t'es trompé, on est des braves gens. J'en bave, vu qu'à l'intérim y'a pas de taf. T'étonne pas, si j't'embriole ton baril. Rien n'a changé, la chance, l'argent est toujours absent. La galère, poteau, a paralysé mes 5 gens. J'ai pas le bon accent. J'en place une pour les adolescents délaissés dans ce pays. J'veux m'infiltrer par trop de souris. J'veux ma paye, donc j't'escroque avec le sourire. J'suis jamais à jeun, j'chute ces jeunes, fonce des natures. On nous laisse en chien, donc rien à foutre, maintenant j'veux de la thune. Putain de troisième couplet, referme tes blécous. Faut que j'baise un max avant que l'état me coupe les couilles. Ici c'est compétitif comme sur un playground. J'oublie pas mes potos placés sous écrou. La justice, les keufs, j'en ai rien à battre. Accusé à tort, c'est pas à la barre, tu me verras tendre la patte. Accroche-toi car la vie c'est un cauchemar. J'fais bel et cauchetard, j'fais partie de ceux qui se couchent tard. En mode bouchard, pour pas finir clochard. L'état fait des croches pattes au crâne, chauffe comme Kojak. Putain de jeunesse, passée à squatter des bancs. Des bancs de la vie dit blanche, toujours y'a pas de quoi des bancs. Natif du 9-20, la galère c'est maladie. J'y manage par l'alcool pour exprimer ce que j'ai du mal à dire. Le micro, je casse sa bouche comme un Texan. Viens test, tu serviras d'exemple. Rien n'a changé, la chance, l'argent est toujours absent. La galère, poteau,